Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Vendredi 25 décembre, joyeux Noël. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible sur France Culture en cette semaine consacrée aux super-héros et aux super-héroïnes. Joyeux Noël à Alexis Blanchet. Merci. Et bonne fête. Joyeux Noël à vous. Et bonne fête de fin d'année. Merci d'être avec nous depuis lundi pour nous parler des super-héros des jeux vidéo. Dans un instant, le 5e et dernier épisode et en deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Ce vendredi, on va passer un Noël à Bangui en compagnie de Didier Cassaille, de passage à Paris. Une belle occasion pour parler de sa bande dessinée éditée par La Boîte à Bulles, Tempête sur Bangui. Mais tout d'abord, notre tête chercheuse, Alexis Blanchet, et les super-héros dans le jeu vidéo. At a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. Cinquième et dernier épisode de notre série, la politique des auteurs, Alexis Blanchet. On a beaucoup parlé des studios japonais, on a beaucoup parlé de l'industrie américaine de jeux vidéo, et puis surtout des échanges de bons procédés avec le cinéma. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'exception européenne? Depuis le temps qu'on nous dit qu'on a d'excellents concepteurs de jeux vidéo en Europe et notamment en France, est-ce que c'est une vérité d'abord? Alors oui, on a une histoire locale du jeu vidéo en France, de la grande histoire mondiale du jeu vidéo, qui se démarque d'une histoire qui pour l'instant est largement écrite par nos collègues américains et qui donc est très centrée sur le territoire nord-américain. Il est sûr que le secteur s'est développé d'abord au Japon et aux États-Unis, ce qui fait que dans nos dernières rencontres j'ai un peu insisté sur ces éléments-là. Mais le jeu vidéo d'arcade est exploité en France à partir de 1973. On a les premières bornes de jeux de copies de Pong qui sont exploitées en France. Et puis, ce qui va permettre le développement d'une création française de jeux vidéo, c'est le marché de la micro-informatique. Voilà, le marché du jeu vidéo français, le secteur du jeu vidéo français, même avant de parler de marché, le secteur du jeu vidéo français se développe grâce à l'arrivée de ces nouveaux matériels, ces machines qui permettent à tout à chacun de coder ces programmes. Et parmi ces programmes, des jeux vidéo, il y a une année qui est assez marquante, c'est l'année 1983, c'est-à-dire qu'en 1983 sont fondés des studios qui vont être assez présents sur les deux décennies qui suivent, c'est-à-dire Loriciel et Infogrames. On a un studio qui s'appelle Cobrasoft qui est fondé cette année-là. On a un distributeur qui s'appelle Inelec, qui est un grand distributeur de jeux vidéo en France. Donc on a toute une série de structures. On a R Informatique également, un studio de développement qui vont profiter de ce marché de la micro-informatique qui explose pour faire des jeux vidéo. Et donc on va voir apparaître les premiers créateurs, les premiers programmeurs de jeux vidéo. Tout ça se fait dans un environnement, on va dire, de hobbyistes, c'est-à-dire de gens qui programment pour le plaisir de programmer, qui s'initient à la programmation en passant par la forme du jeu, c'est-à-dire, bah tiens, j'ai acheté un micro-ordinateur, je vais essayer d'apprendre à programmer, bah je vais essayer de programmer un jeu, et puis qui vont trouver des opportunités d'abord à travers les boutiques de micro-informatique et ensuite à travers les éditeurs dont certains sont proviennent de boutiques, de diffuser leurs jeux et de vendre ces jeux-là. Alexis Blanchet, trois idées reçues, et je vous propose d'ailleurs de les abattre les unes après les autres. Première idée reçue, chez les Européens, notamment les Français, c'est plutôt une politique d'auteur, il n'y a pas de super-héros. Plus que jamais, il ne faut surtout pas qu'il y ait de super-héros. Il faudrait que le seul super-héros soit le joueur. Idée reçue ou pas ? Ah bah, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques contre-exemples. Rayman, par exemple, est un héros de jeux vidéo qui a une audience internationale, qui est créé par Michel Ancel pour l'éditeur Ubisoft. On a quelques séries qui sont proposées dès les années 80, comme la série Meurtre de Bertrand Brocard. On a quelque chose dans le jeu vidéo français qui est assez littéraire. Une partie de la production est assez littéraire. C'est des gens qui ont le goût du verbe, de l'écriture, et donc qui vont proposer beaucoup de jeux d'aventure avec des énigmes, avec des dialogues et des choses dialoguées assez poussées. Là, il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de super-héros, mais il y a des enquêteurs, il y a des personnages auxquels les joueurs vont se... plutôt s'attacher. Ensuite, il y a des propositions assez régionales, par exemple, c'est-à-dire que on va trouver dès la fin des années 80 des jeux qui vont se construire sur un folklore, par exemple martiniquais. On a quelques jeux comme ça qui sont assez typiques, propres à la création française. Ensuite, on a de toute façon un secteur qui se globalise au début des années 90, c'est-à-dire là où on a vraiment eu une décennie de 83 jusque vers 91-92, où on a un petit marché local, où on a presque des artisans qui sont là, un phénomène d'industrialisation qui se met en place, mais qui fonctionne énormément à l'échelle locale. À partir du début des années 90, on a des structures qui sont internationales, c'est-à-dire c'est l'internationalisation d'Infogram, un des premiers grands éditeurs français, c'est le développement Ubisoft aujourd'hui, qui est une entreprise qui existe encore et qui fait partie des leaders du secteur, avec l'idée non plus de travailler sur des spécificités françaises et faire un jeu en français pour les Français. C'est-à-dire que la question de la langue aussi, elle est intéressante au départ, parce que pour jouer en français à un jeu d'ordinateur dans les années 80, on ne peut que se tourner vers les productions françaises, parce que les productions internationales sont en anglais et elles ne sont pas ce qu'on appelle localisées, c'est-à-dire traduites et adaptées au contexte français. Donc, dans les années 90, on a vraiment des propositions qui deviennent assez internationales. Et puis, un jeu vidéo français qui commence tout doucement à se dissoudre un peu dans un magma un petit peu multiculturel et d'échanges internationaux. C'est-à-dire que Ubisoft, qui est considéré comme une entreprise française, les jeux d'Ubisoft sont largement développés à Montréal, sont largement développés en Roumanie, sont largement développés même dans le Maghreb ou en Asie du Sud-Est, par des équipes, dont certains créateurs français qui viennent rejoindre ces équipes-là. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on essaye plutôt de travailler sur des thématiques transversales qui permettent de s'adresser aussi bien à une audience francophone et française qu'à un Américain ou à un Japonais. Deuxième idée reçue, les Français sont très bons dans le graphisme, et seulement dans le graphisme. Il est vrai que si on regarde l'accueil critique qui est fait aux jeux vidéo français par les revues anglo-saxonnes ou les revues allemandes du milieu des années 80, on reconnaît à la création française une sorte d'excellence dans le domaine graphique, et probablement aussi on leur reconnaît une sorte de filiation assez marquée avec des univers cinématographiques ou une manière un peu cinématographique de penser les choses. Notamment le film d'animation, bien sûr. Le le film d'animation, mais surtout, je pense à la question du découpage, du cadrage, du montage. Un jeu comme Alone in the Dark, créé par Frédéric Reynal et édité par Infogrames, est un jeu qui travaille sur les plans de caméra. Le joueur déplace un avatar dans un espace et les cadrages changent au fur et à mesure du déplacement du joueur. Ça crée une sorte de montage qui est rythmé par les interactions du joueur, avec vraiment à la fois derrière ce qu'on appelle un moteur graphique qui permet de modéliser en volume les différents éléments, d'une part, et puis aussi la possibilité de trouver les cadrages, de donner du sens au cadrage, par exemple, pour faire apparaître une menace hors champ ou des choses comme ça. Donc là, il y a la question graphique et je dirais même plus la question cinématographique, probablement que dans l'imaginaire de ces observateurs étrangers, il y a l'idée que la France, c'est le pays des Frères Lumière, c'est le pays du cinéma, et qu'on va essayer de rattacher ces créateurs et du cinéma d'auteur, et on va essayer de rattacher ces créateurs au cinéma. Et puis, troisième et dernière idée reçue, quand on est un bon concepteur de jeux vidéo français, on a tout intérêt à s'exiler aux États-Unis. C'est vrai, ça? Pourquoi? Oh, ça, c'est un argument qui est largement utilisé par l'industrie dans sa volonté d'obtenir des pouvoirs publics, des crédits d'impôts ou des choses comme ça. Donc, la menace de la fuite des cerveaux, c'est un argument assez simple. Il n'empêche qu'à côté de ça, on a des entreprises qui ont décidé de rester, s'installer en France et qui travaillent sur des productions qu'on appelle triple A. Le triple A, c'est la fameuse garantie de réussite d'un jeu. C'est un peu l'équivalent du blockbuster au cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent pour les studios américains et japonais aujourd'hui, Alexis Blanchet. Ah bah, probablement parce qu'ils sont talentueux et que ils se font débaucher. Pas pu les retenir, ça c'est une question qu'il faudrait plutôt poser aux industriels. Mais un studio comme Quantic Dream fait des jeux en exclusivité pour Sony et pour les consoles Sony depuis maintenant plusieurs années, en étant installé à Paris, boulevard Davout. Donc la question, c'est probablement qu'il y a des opportunités qui sont intéressantes ailleurs et qu'il y a des villes, on pense à Montréal particulièrement, qui a vraiment développé toute une série de crédits d'impôts locaux pour inviter les professionnels du secteur à s'installer là-bas. Ensuite, on a des formations qui sont très bonnes ici en France. Moi, je vois des étudiants que je forme dans mon département de cinéma qui poursuivent et qui entament des carrières dans le secteur du jeu vidéo. C'est qu'ils sont pas mauvais, ils le font en France, en tout cas pour les exemples que j'ai. Alors, enfin, pour terminer, revenir sur notre thématique de la semaine, les super-héros dans les jeux vidéo. Pourquoi ceux qui créent ces jeux vidéo ne sont pas connus? On connaît pas leur nom alors qu'on est en France. En France, vous connaissez le culte de l'auteur depuis Beaumarchais, là, qui a créé justement la première société des droits d'auteur. Beaumarchais, j'ouvre une parenthèse pour dire que toute la semaine prochaine, on parlera de Beaumarchais. Je referme la parenthèse et on revient vers vous, Alexis Blanchet. Pourquoi on ne parle jamais de ceux qui réalisent, vous allez me dire, c'est parce qu'ils sont des groupes. Voilà, c'est une des raisons. Mais je suis sûr qu'il y a un chef d'orchestre qui a cette idée. Et dans un pays où on rend hommage aux auteurs, qu'ils soient écrivains, réalisateurs, pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a une politique des auteurs dans le jeu vidéo? Il y a eu une tentative à un moment, c'est-à-dire quand même il faut relever que la question de l'auteur pour le jeu vidéo, elle est problématique parce qu'elle se pose sur une production qui est éminemment collective et qu'on sait que un graphiste, on sait que le créateur d'un moteur 3D a d'une certaine façon une forme de paternité sur la forme définitive et finale du jeu. Les auteurs ont en fait été d'une certaine façon créés parce qu'il y a quelques noms qu'on connaît. J'ai parlé de Michel Ancel, de Frédéric Reynal, de Shigeru Miyamoto, de David Cage également en France. On pourrait parler de créateurs américains ou britanniques. Il y a eu un moment, une tentative. Non, généralement, on dit un jeu de chez Nintendo ou de chez une autre. C'est voilà. Plutôt la marque, ouais. Ou le studio. On arrive sur la griffe du studio, mais on dirait un jeu de David Cage, hein, même si on a toujours dit un jeu de David Cage sur ce créateur-là, qui a dans un premier temps, même si aujourd'hui c'est une position sur laquelle il est plus modéré, mais qui a voulu être vraiment personnifié le travail du studio qu'il avait créé. Mais cette personnification, c'est-à-dire avoir un interlocuteur pour parler du jeu, c'est une demande de la presse au départ. Il faut voir que quand on commence à trouver, à mettre des visages sur des jeux, c'est parce que la presse vient voir les éditeurs et dit « Qui pourrait nous parler de ce jeu-là ? » Bah, on va vous donner, grosso modo, le game producer, quoi. Enfin, celui qui est un peu, et qui est souvent à l'époque, qui a une casquette de graphiste, une casquette de game designer, de level designer, qui fait un peu tout à la fois. Donc, on a eu cette demande de la presse qui a été en partie exaucée, ce qui fait que des noms sont apparus. Le cas de Shigeru Miyamoto est assez intéressant parce que Nintendo présente Miyamoto comme le père de Mario, le père de Zelda, le père des grandes franchises de la compagnie japonaise. Et en 2002, quand un épisode de Zelda qui s'appelle The Wind Waker sort, et c'est à nouveau Miyamoto qui accueille les journalistes, etc. Alors même qu'à cette époque, aujourd'hui on le sait, il est plus du tout aux commandes. Il a une sorte de rôle de superviseur, mais assez éloigné du projet. C'est un de ses collaborateurs qui a pris vraiment le rôle. Il s'appelle Eiji Aonuma. Il faudra attendre quelques années avant que ce soit lui qui vienne présenter la marque. Donc là, il y a la question d'une création, et puis ces auteurs, d'une certaine façon, les pouvoirs publics tendent à les reconnaître, puisqu'on a quelques game designers qui ont été décorés dans chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres, qui veut dire qu'on essaye de les constituer comme auteurs et de participer à cette logique de légitimation culturelle et artistique du jeu vidéo, qui est à la fois la reconnaissance d'un domaine. Et ils perçoivent des droits d'auteur ? Alors la question c'est ça, c'est que dès lors que vous reconnaissez des auteurs, ça veut dire de devoir verser probablement ou un intéressement ou une partie des royalties selon le succès de vente du jeu. Et ça, l'industrie, elle a pas trop envie d'en parler. Elle préfère se calquer sur un modèle hollywoodien qui lui assure d'avoir la main mise sur la production et à ce moment-là de pas être dépendant d'un créateur qui ferait valoir ses droits sur la réussite et le succès commercial d'un jeu. Merci beaucoup Alexis Blanchet de nous avoir accompagné toute cette semaine. Désormais votre série Les super-héros dans les jeux vidéo est disponible dans son intégralité sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. On peut trouver aussi votre bibliographie. Et toujours sur franceculture.fr, moi je vous recommande un abécédaire, un drôle d'abécédaire numérique, toujours pour marquer notre semaine consacrée aux super-héros et super-héroïnes, où des personnages de fiction ou du réel d'hier et d'aujourd'hui sont dépeints au micro par des grandes voix de la vie des idées ou des personnalités culturelles, par exemple Alice au pays des merveilles par Jacques Lacan, Lucky Luke par Tonino Benacquista, ou encore Peter Pan par Roland Topor, ou Antigone par Henri Beauchaud. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup, cher Alexis Blanchet. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... c'était hier, le sapin de Noël. Vous avez reçu des jeux vidéo. On vous offre encore des jeux vidéo. Ah oui, de temps en temps, on m'offre encore des jeux vidéo. Oui, c'est toujours un plaisir. Alors, une sélection d'un jeu vidéo avant de vous lâcher. Ah là là, quelle question. Écoutez, moi, il y a un jeu vidéo auquel je joue quotidiennement depuis probablement 5 ans. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Geometry Wars Retro Evolve 2. Ça se télécharge pour quelques euros sur une console Xbox 360. Et c'est un jeu d'une profondeur incroyable, tant et si bien que je vais probablement l'utiliser comme support pour mon séminaire du second semestre. Merci beaucoup, Alexis Blanchet. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée en deuxième partie d'Un autre jour est possible. Et aujourd'hui, je vous recommande vivement Tempête sur Bangui, c'est édité par La Boîte à Bulles. Et mon invité est l'auteur de cette bande dessinée, Didier Kassai. Bonjour. Bonjour. Illustrateur, dessinateur, caricaturiste, aquarelliste et auteur de bande dessinée, vous avez tout appris, tout seul, sans passer par une école, sans faire les beaux-arts. Oui, je suis autodidacte. J'ai commencé à apprendre auprès de ma maman, qui est aussi dessinatrice, qui faisait beaucoup plus de décors, de pagnes et de calebasses. Après, je me suis débrouillé tout seul en dessinant d'abord avec du charbon de bois sur le plancher, le mur de notre maison, avant d'arriver au papier et crayon. D'accord. Et donc, par après, j'ai fait quelques stages de bande dessinée parce que j'étais passé par plusieurs concours nationaux. Et donc, d'abord, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et j'ai percé, j'ai eu l'occasion d'aller participer à pas mal de stages de bande dessinée en dehors du pays. Et votre pays, c'est la Centrafrique. Oui. Où vous êtes né, dans une ville qui s'appelle Sibu. Oui, c'est une ville qui est située au nord de Bangui, à environ 200 kilomètres. Voilà, et depuis que la revue dessinée a publié des extraits de Tempête sur Bangui, on attendait la sortie de la bande dessinée, c'est fait maintenant, c'est édité par La Boîte à Bulles, je le rappelle. C'est un roman graphique de témoignage sur ce qui se passe dans votre pays, donc la Centrafrique depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire un pays déchiré par des guerres incessantes. Et ce roman graphique, il est tout à la fois politique, puisque vous prenez position, puisque vous montrez ce qu'on a appris à ne plus voir. C'est vrai que l'actualité de l'Afrique n'est plus très présente dans nos médias. Et vous vous mettez vous-même en scène, c'est-à-dire il y a aussi un côté autobiographique dans votre bande dessinée, puisque vous nous montrez comment vous vivez ces événements. Effectivement, c'est un album autobiographique d'abord. Et donc, à travers mon récit à moi, j'ai voulu aussi raconter la misère des Centrafricains et des Banguissois qui ont subi cette guerre depuis 2012-2013. Justement, c'est un recueil de pas mal d'informations que je publiais d'abord sur Facebook. J'avais des chroniques que je tenais tout le temps sur la crise. Chaque jour, je publiais quelques dessins, quelques textes pour informer à la fois des gens qui sont à Bangui, qui sont dans un coin, qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans l'autre coin, et aussi pour à la fois des Centrafricains et des étrangers qui vivent hors du pays et qui ne connaissent pas la réalité. Et donc, c'est quand même une histoire pas très, très jolie, mais que j'ai pu réaliser aussi avec pas mal de souffrance. C'est que j'ai eu l'idée de faire ça en bande dessinée parce que à un moment, je commençais à déprimer parce que quand la guerre était arrivée, j'ai perdu mon emploi. Je travaillais beaucoup plus pour des ONG, je faisais des prestations dans le domaine de l'illustration. Et du coup, avec la guerre, tout est arrêté, plus de contrats, c'était difficile pour survivre et je commençais à déprimer. Et donc pour moi, la seule possibilité de sortir de cette situation, c'est de dessiner. Et donc, j'ai dessiné. Après, je me suis dit, mais bon, avec pas mal de trucs publiés déjà sur Facebook qui attiraient déjà plein de personnes, pourquoi ne pas réaliser un album? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cet album-là. Et justement, puisque c'était sous le feu, il y a des fois où en journée, c'est difficile de dessiner. Parce que j'avais intérêt à me cacher pour échapper aux agressions. Et j'essayais aussi de dessiner la nuit, mais parfois sans électricité, c'est pas facile du tout. Et j'étais obligé d'utiliser la lumière de mon téléphone portable. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour les couleurs? Parce que c'est une Afrique tout en couleurs que vous nous présentez. Hein. On a parlé de la guerre, c'est très présent. C'est même le principal objectif de ce récit, c'est de raconter cette guerre oubliée par nos médias. Mais il y a aussi la vie quotidienne en Afrique, entre deux moments très durs. Et puis, tous les paysages de votre ville, de votre pays que je ne connaissais pas, sont très bien rendus avec de très très belles couleurs. Ben, au fait, avant même de faire ce livre, Je faisais des tableaux de scènes de vie quotidienne. C'est en quelque sorte des cartes postales de Bangui et de la Centrafrique. Et donc, en faisant ce livre, j'ai pensé à l'utiliser aussi comme une carte postale pour des gens qui n'ont jamais été en Centrafrique, pour découvrir comment les choses fonctionnent, comment les quartiers sont, les habitudes. Voilà, et puisque c'est mon travail d'aquarelliste, je me suis amusé à faire les couleurs. Tout ça chez vous Oui, je le faisais chez moi jusqu'au moment où j'ai eu l'accord de l'Alliance française de squatter leur local pour la suite du projet, parce qu'à un moment, c'était difficile de travailler à la maison. J'ai été menacé plusieurs fois, et donc la nuit, je pouvais pas travailler. J'étais obligé de faire la sentinelle. Et pourquoi vous avez été menacé? Par qui et pourquoi? Je peux pas comprendre cela, parce que au fait, souvent c'est dans la nuit très tard que je recevais les menaces. Je savais pas qui étaient ces agresseurs que je connais pas et que jusque là je connais pas, qui et viennent vous... souvent très tard me proférer des menaces, comme quoi si je leur ouvre pas ma porte, et ils jetteraient des grenades dans la maison. Et donc, du coup... Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes dessinateur? Parce qu'ils ont repéré ce que vous publiez sur votre page Facebook? Je pense pas. C'est du banditisme pur, parce que peu de gens lisent en Centrafrique. Donc, je pense pas qu'ils aient accès à ce que je publie. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais ceux qui ont fait ça, je pense que c'est juste des bandits, parce que j'ai une belle moto qui attire forcément les bandits. Donc, ils étaient venus juste la récupérer, quoi. Écoutez, merci Didier Kassaï d'être passé. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup. Et à vos proches, à vos amis. On pense beaucoup à eux quand on a fini de lire cette bande dessinée. Et si c'était l'objectif de votre travail artistique, eh ben, il est vraiment atteint. C'est vraiment très bien. C'est édité par la Boîte à Bulles. Comme tous les invités du matin, c'est... Pour terminer cette émission, le questionnaire d'un autre jour. Vous choisissez trois questions, Didier Kassaï. Alors, première question. Combien de temps passez-vous devant les écrans de télé, d'ordinateur? Je dirais 95% de mon temps en journée. Parce que si je dessine... Aussitôt je scanne, je traite sur ordinateur, ou bien la plupart du temps je suis sur Facebook. Si je ne suis pas à la maison et que je travaille dans mon atelier, c'est sur mon ordinateur que je suis souvent en train de publier mes trucs. Deuxième question. Quel est votre écrivain de prédilection? Je dirais plutôt, je suis plutôt fan des auteurs de bande dessinée. Par exemple? Je citerai Jeannot, qui a publié pas mal de livres de carnets de voyage sur l'Afrique. C'est lui qui m'a beaucoup plus inspiré. Et chaque fois que les gens lisent ma BD, ils disent que apparemment tu es influencé par Jeannot. Influence que vous revendiquez, Didier Kassaï? Oui, c'est clair, parce que je l'ai rencontré dans un festival à Libreville en 98 et il m'a donné pas mal de conseils sur la bande dessinée. Et si je suis devenu auteur maintenant, c'est en partie grâce à lui. Troisième et dernière question. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? La paix, je suppose, déjà. Oui, il y a la paix. Mais j'ai d'enfance. On faisait beaucoup plus du toboggan. Mais c'est pas comme en Europe, quoi. On allait juste au bord de la rivière. On coupait des troncs de bananiers sur lesquels on glissait pour tomber à l'eau. Et donc, c'est comme le toboggan ici en Europe. Et ce jeu-là, maintenant, ça ne se pratique plus. Et je pense que si je pourrais encore redevenir enfant, c'est ce jeu-là que j'allais faire. Allez, on passe à la deuxième annonce, Didier Kassaï. C'était un autre jour impossible. Le magazine culturel très matinal de Teufik Hakem. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Emmanuel Morse-Dincon. Merci beaucoup Didier Kassaï. Joyeux Noël à vous et à votre famille. Et merci pour le dessin que vous avez laissé. Dessin que les auditeurs peuvent retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission. Un autre jour est possible. Excellente journée à vous.